Chapitre 3e. Tandis qu'elle rêve, une femme est entrée doucement. Une vieille femme, presque jolie encore sous ses cheveux blancs. Elle a l'air intelligent et bon, le sourire jeune, la peau fraîche. C'est Madame Moret, la belle-mère de Josette. En la voyant, la physionomie de la jeune femme s'éclaire. « Comme vous venez tard, maman, pourquoi cela ?»« Je ne savais pas que vous étiez seule. » Il y a plus d'une heure qu'ils sont partis. Je crois que j'ai dormi, ou au moins rêvé. Avez-vous eu beaucoup de monde ce soir? Beaucoup. Beaucoup d'importance surtout. J'ai cependant reçu une visite qui m'a fait grand plaisir. Un vieil ami que je n'avais pas vu depuis 5 ans, Pierre de l'Affaire. J'avais appris son retour par Madame de Guibray. À propos, elle vous écrit un petit mot, Madame de Guibray. Elle vous recommande de la prendre ce soir en allant à l'opéra, comme c'est convenu. La lettre était adressée à Madame Moret, tout court, de sorte qu'on me l'a remise. Josette soupira drôlement. Vous avez de la chance, vous, maman, d'être Madame Moret, tout court. Je vais chercher cette carte, dit la vieille dame, qui fit un mouvement pour se lever. C'est inutile, puisque vous me dites ce qu'elle contient. Elle a bien fait d'envoyer son mot, Madame de Guibray. « Je l'aurais joliment oublié, moi. »« Tâchez qu'elle ne s'en doute pas. »« Vous n'avez pas en elle une amie, je crois. »« Bon, pourquoi ça ?» Sans répondre, Madame Moret, assise en face de Josette, tapote ses jupes, s'installe et d'un air parfaitement indifférent. « Monsieur de Lalonde est-il venu vous voir aujourd'hui ?» La comtesse lance un rapide coup d'œil à sa belle-mère. « Non, » dit-elle. Et elle ajoute, après un instant de réflexion, « André vient rarement depuis quelque temps. » Puis, sautant sans transition à une autre idée, « Maman, vous ne savez pas, j'ai mis l'aréole à la porte. »« Comment cela ?»« C'est lui qui tout à l'heure m'a fourni un prétexte. Il m'a dit qu'il m'aimait. »« Ah, et vous l'avez mis à la porte pour cela ?» Madame Moret tisonnait en parlant, s'amusant à élever des colonnes de petits charbons roses. Elle ne paraissait attacher aucune importance à ce qu'elle disait. La jeune femme répondit « Mais oui, il s'est conduit d'une façon absolument inconvenante. Je ne vous blâme pas, chère petite. Ce ne sert pas moi qui regretterais l'absence de l'aréole. Il m'était odieux, ce monsieur-là. Il me faisait l'effet d'un reptile. Il m'a dit en partant sur un ton menaçant que nous nous retrouverions quelques jours. Et ma foi, j'en ai peur. » « Je le crois capable de tout. »« Dites donc, maman. »« C'est Paul qui ne va pas être content. »« L'aréole l'amuse. »« Il est vrai qu'il aura la ressource de le rencontrer ailleurs plus souvent qu'ici, car il n'est pas souvent ici, Paul. »« Il est certain qu'il abuse un peu du cercle. »« Je ne crois pas. »« Ses amis se plaignent de ne plus l'y voir depuis quelque temps. » Madame Moret semblait mal à l'aise. « Cependant, » commença-t-elle avec embarras, Josette l'interrompit. Eh, qu'importe qu'il soit au cercle ou ailleurs, si vous saviez comme ça m'est égal. La vieille femme regarda tristement sa belle-fille. Elle sentait qu'elle disait vrai, ça lui était égal. Il n'y avait pas dans son accent la plus petite nuance d'amertume ou de regret. Il va être 8 heures, reprit Josette. Paul dîne dehors, probablement. Moi, je vais m'habiller bien vite. Je serai prête dans 5 minutes. Et de cette façon, Madame de Guibray n'attendra pas. Ah, c'est que si elle le pouvait, elle arriverait pour l'ouverture. Elle revint quelques instants plus tard, sculptée dans un fourreau de velours blanc très décolleté. L'étoffe suivait fidèlement les lignes de son corps jeune et souple. Elle s'arrêta derrière le fauteuil de Madame Moret et, lui passant autour du cou ses beaux bras, l'embrassa affectueusement. La comtesse adore sa belle-mère. Qui lui rend cette adoration? Madame Moret est une charmante femme, bonne, aimante, pleine d'esprit, de droiture et d'une exquise délicatesse de sentiment. Dès le début, les deux femmes avaient été attirées l'une vers l'autre et étaient restées étroitement unies, malgré les dissentiments, insignifiants d'ailleurs, qui s'étaient élevés dans le ménage. Madame Moret connaissait le caractère entier de son fils. Elle avait presque peur de lui. Stupidement gâtée du vivant de son père, Paul était devenu suffisant et vaniteux. Sûr de son mérite, il tranchait, dictait, critiquait avec une autre cuidance qui désolait cette mère, fine et clairvoyante entre toutes. Souvent, son fils lui semblait ridicule et elle n'osait risquer une observation. Moins d'un an après son mariage, elle avait vu Paul changer de vie, fréquenter exclusivement un monde étrange qui l'encensait, étaler des liaisons bruyantes et se lancer dans un courant de spéculations brumeuses, desquelles le bon sens bourgeoisement pratique de la vieille femme n'augurait rien d'avantageux ni même d'honorable. Ses timides remontrances avaient été mal accueillies. Son fils l'avait courtoisement mais nettement averti qu'il entendait vivre à sa guise, recevoir qui bon lui semblait, et s'occuper de spéculation ou de n'importe quoi sans que personne eût le droit de se mêler de ses affaires. S'il était impossible à sa mère de se tenir à l'écart, il valait mieux se séparer tout de suite, bons amis, plutôt que de laisser aller les choses jusqu'à une brouille complète. Terrifiée à l'idée de perdre Josette, Madame Moret avait juré de se taire et tenait parole. Même au moment de l'histoire du titre, elle n'avait pas osé protester en face. Il est vrai que sa belle-fille, horriblement vexée, protestait pour deux. Elle, si raide, si cassante d'ordinaire, avait humblement supplié son mari de renoncer à cette idée saugrenue. Mais elle s'était heurtée à une immuable résolution. Paul voulait un titre sur sa carte et des couronnes sur ses voitures. Il lui tardait de se désembourgeoiser, et le premier jour où il posséda enfin ce titre tant convoité, il se tint à quatre pour ne pas donner un louis à tous les valets qui l'appelaient « Monsieur le Comte ». À présent, il est noble, ou du moins il se croit tel. Sa fortune et celle de Josette réunies forment un très respectable total. Ses chevaux sont primés au concours hippique, il a la plus jolie femme et les plus belles filles de Paris, mais il lui manque encore deux choses pour que son bonheur soit complet. Il veut être du jockey d'abord, député et homme politique ensuite. Au moment où on annonçait le dîner, le comte entrait au salon, pomponné, parfumé, un gardénia à la boutonnière. C'est un homme de 35 ans, très bien physiquement, posant pour la distinction et le chic, plutôt que réellement distingué et réellement chic, mais tel que assez réussi. Ses favoris, blonds et légers, encadrent agréablement un visage régulier. Il a le teint blanc, des dents superbes et des yeux noirs expressifs. La coupe de son habit est irréprochable, son linge ébloui. Le vernis de ses brodequins fait mal aux yeux et il a au doigt et au plastron de sa chemise l'assortiment de bijoux de rigueur. Il regarde Josette, vraiment éclatante de fraîcheur et de beauté, et lui dit avec un accent sincèrement admiratif « Vous êtes très belle ». Puis il lui baise la main et offre le bras à sa mère. Madame Moret exècre ses façons, qu'elle trouve d'un autre âge. Elle aime avant tout la simplicité. Pourquoi Paul n'embrasse-t-il pas tout bonnement sa femme sur les joues? Elle prétend que le baise-main doit être réservé pour les femmes peintes, et certes, ce n'est pas le cas de Josette. Monsieur Jost, dont la jeune femme n'a jamais voulu se séparer, attendait modestement dans la salle à manger. Il entrait rarement au salon, tant était grande sa terreur d'y trouver des visites. Ce monde scintillant et bariolé lui donnait le vertige, et un jour, ayant rencontré dans l'escalier le vicomte de Luxeuil, il avait cru rêver et s'était hasardé à questionner Josette, qui avait répondu en riant « Mais oui, c'est lui !» Je l'ai retrouvé chez les Ledru, où il chasse une autre dot. Il m'a demandé en tremblant la permission de venir me voir. Je la lui ai accordée. Qu'est-ce que cela me fait? Je ne suis plus à marier, et il vaut aussi cher que les autres, après tout. » La comtesse s'était très difficilement habituée à vivre entourée de gens exotiques, inconnus, douteux même le plus souvent. Mais, une fois son parti pris, elle avait su se mettre très vite au diapason voulu. Dans le monde, elle blaguait aujourd'hui tout aussi lestement que les autres, parlait argot avec autant de facilité que si M. Jost le lui eût spécialement enseigné, et affectait avec un imperturbable sérieux une indifférence morale qui frisait parfois le cynisme. Dès qu'elle se retrouvait dans son milieu naturel, entourée de ceux qu'elle aimait, son honnêteté un peu brutale reprenait le dessus. Elle se montrait franchement telle qu'elle est, c'est-à-dire bonne, emportée, tendre, ayant le culte de ce qui est noble, le dégoût de ce qui est bas et l'horreur du vice accepté qu'elle voit s'étaler autour d'elle. En s'asseyant à table, le comte remarqua la toilette de sa femme et demanda « Est-ce que c'est Caroline qui vous a fait ça ?»« Mais oui. »« Eh bien, vous la complimenterez de ma part. C'est une merveille. » Du reste, elle a ce chic-là, Caroline. Elle fait des robes dans lesquelles on a l'air d'être né, tant elles adhèrent. « Emmenez-vous quelqu'un ce soir à l'opéra ?»« Oui, madame de Guibray. » »« Ah, j'allais vous demander de m'offrir une toute petite place près de cette belle robe, mais ça change mes projets. » « Je ne peux pas la sentir, moi, madame de Guibray. Elle vous plaît, à vous ?»« Elle me tient différente. »« Emmenez-vous un cavalier quelconque ?»« Mais non, je n'ai pensé inviter personne. »« Monsieur de Guibray viendra, peut-être ?» Monsieur Moret éclata de rire. « Je ne pense pas. » Sa femme ne le laisse pas aller à l'opéra, aujourd'hui surtout. Elle le sème le plus qu'elle peut. Il la gêne, pour l'instant. « À propos, devinez qui vous allez y rencontrer à l'opéra. Mais je ne sais pas. Et vous pourriez chercher jusqu'à demain sans trouver tant c'est invraisemblable. André. »« André ?» murmura Josette. « Oui, cela vous renverse, hein. André, à l'opéra. C'est pourtant vrai, il y va ce soir. » Dammartin lui prête son fauteuil. « Probablement il n'a de crasse à faire à personne aujourd'hui, cet excellent Dammartin. C'est son jour de repos. Sans ça, il n'aurait pas lâché le fauteuil. » Échangeant d'idées, le comte ajouta. « Alors vous allez seuls, toutes les deux. Vous n'avez pas même invité Jean. » « Jean est toujours invité, mais il ne viendra pas. « Depuis quelque temps, il est insaisissable. Je l'ai vu tantôt un instant, cependant. »« Oui, je sais, il est venu avec l'affaire. Je les ai rencontrés au cercle. »« Il vous avait laissé en tête-à-tête avec la réole. »« Précisément. Et il faut que je vous avoue une chose qui va peut-être vous contrarier. »« J'ai fermé ma porte à monsieur de la réole. » Monsieur Moret, stupéfait, regarda sa femme. « Vous lui avez fermé notre porte, dites-vous ? » « Non, j'ai dit la mienne. » « Et le motif de cette mesure de rigueur ?»« C'est que c'est un monsieur taré, impossible, vivant d'une inexplicable façon, dépensant un argent qu'il n'a pas et qu'il se procure Dieu sait comment. Parce qu'enfin, je trouve que j'ai toléré trop longtemps la présence d'un individu de cette espèce dans mon salon et que je ne veux plus, à l'avenir, avoir de ses complaisances. » Le comte haussa les épaules. Vous serez toujours bourgeoise et encroûtée, ma pauvre Josette. Vous attachez à des peccadilles une mesquine importance. Mais si on épluchait ainsi à la loupe la conduite des gens qu'on reçoit, on ne recevrait plus personne. Vous avez vraiment une étroitesse de vue très provinciale. Il faudrait tâcher de vous défaire de ça. La réole est admise partout, que diable. Josette ne répondit pas. Madame Moret prit la parole. « Je crois, mon enfant, que ta femme est dans le vrai. » Ce Laréole passe, à tort ou à raison, pour un vilain monsieur, vivant de ressources inavouables. « Ça ne vous regarde pas. »« Je te demande pardon. »« Ça vous regarde, du moment où c'est de notoriété. Il est des gens encroûtés. » »« Auquel il peut être fort désagréable d'être exposé à coudoyer un individu de cette espèce. »« Assez, » dit brusquement Paul Moret. « Il est inutile de discuter, ce qui est fait est fait. Je connais, Josette. Je devine les termes gracieux dans lesquels le congé a dû être donné. Et la réole est trop fière pour revenir jamais chez moi après un pareil affront. » La comtesse sourit malgré elle. « Fière ? La réole ? Non, c'était immense de bêtises ou de faussetés. » Le dîner venait de finir. On entendit crier le sable de la cour. La voiture avançait devant le perron. « Ne faites pas languir cette pauvre madame de Guibray, » dit M. Moret d'un ton narquois. « Aujourd'hui, ce serait cruel. » Lorsque Josette entra chez elle, sa femme de chambre l'attendait. « Voici une lettre qu'on vient d'apporter pour madame la comtesse. dit-elle en tendant à sa maîtresse un petit plateau de vermeil. « On a bien recommandé de ne la remettre qu'à madame la comtesse elle-même. » Josette prit la lettre et y jeta distraitement les yeux. Sur le cachet de cire rouge se détachait un sphinx couché dans une pose attentive et menaçante. L'adresse était d'une écriture toute droite, évidemment déguisée. Dans le coin gauche, placé de biais au-dessus de comtesse Moret, il y avait « personnel ». Ce mot, écrit en caractères énormes, frappa la jeune femme. Jamais elle n'avait reçu de lettre ainsi adressée. Elle lut, en l'ouvrant, le vague pressentiment d'un malheur, et c'est avec un serrement de cœur qu'elle lut. « Comtesse, le bon génie qui vous a comblé à votre naissance de tous les dons, desquels vous êtes si peu prodigue pour autrui, continue à veiller sur vous. Il devine votre inquiétude et vous donne par ma voix un conseil. Ne manquez pas d'emmener madame de Guibray à l'opéra. C'est le talisman qui vous assurera ce soir la visite de celui dont l'absence vous préoccupait si vivement à votre 5 o'clock. » Josette roula le papier en boule et le lança dédaigneusement dans la cheminée, pensant à part elle. Déjà, il ne perd pas de temps. Puis elle devint tout pâle. Si pourtant ce misérable Lariol disait vrai. En rapprochant la lettre anonyme des plaisanteries de son mari, elle sentait une apparence de réalité. André n'avait jamais voulu l'accompagner à l'opéra, et il y allait ce soir. Pourquoi ? Depuis quelque temps, elle s'apercevait d'un changement survenu en lui. Le sauvage d'autrefois devenait mondain et semblait distrait, préoccupé. Il venait plus rarement la voir et répondait évasivement aux questions qu'elle lui faisait sur l'emploi de son temps. Questions uniquement adressées dans le but de savoir où sa pensée pouvait le suivre quand il était loin d'elle, car elle ne soupçonnait pas qu'il ne fût pas tout à fait à elle comme elle était tout à lui. Trop fière pour insister, Josette cachait sa tristesse, pleurant silencieusement lorsqu'il ne la voyait pas. N'ayant pas une seule pensée qui n'appartint à André, elle avait cru naïvement que toutes les pensées d'André devaient lui appartenir. Lorsqu'elle reconnut qu'elle se trompait, son vrai bonheur fut fini. Mais elle était encore quelquefois heureuse près de lui, et s'il se montrait tendre et affectueux, elle se reprenait à espérer de toute la force de son amour. Pour Josette, André était un dieu qu'elle idolâtrait. Étant donné sa nature, elle ne pouvait aimer qu'un homme qu'elle reconnaissait lui être supérieur. Elle ne comprenait pas l'amour sans l'admiration, et à part quelques rares instants de révolte, elle se complaisait, elle, si adulée et gâtée par tous, dans ce rôle passif et écrasé.